cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir, al-asl al-thani, min hadhihi al-usul al-muhimma. On a étudié ensemble le deuxième fondement, la deuxième base de ce manhaj, manhaj ahli sunnati wal jama'ah, manhaj al-salaf. فما هو تفضل الأصل الثاني هو الحرص على التطبيق العملي للإسلام أحسنت الحرص على التطبيق العملي للإسلام فما معنى هذا الأصل qu'est-ce que vous avez compris de هذا الأصل تفضل عندك العلم أحسنت ثمرة هذا العلم هو العمل أي الحرص على التطبيق العملي أي appliquer ce qu'on a appris le premier fondement c'est العلم le deuxième fondement c'est appliquer هذا العلم الإنسان يحذر مما يبعده عن هذا العمل وعن هذا العلم il y a des choses des fitnes surtout à cette époque où on vit beaucoup de choses qui éloignent As-sunni, as-salafi, min al-amal. Ça peut être dunya, ça peut être des fitan, iyadam billah, ça peut être qil wa qal, ça peut être la polémique, ça peut être s'occuper de choses qui ne nous regardent pas. Tout ça, ça t'éloignera des choses que tu dois faire. Il y en a l'insani, il ne peut pas faire deux choses à la fois. Là, s'il fait ce qui le regarde, il s'écartera de ce qui ne le regarde pas. S'il fait ce qui ne le regarde pas, il s'écartera de ce qui le regarde. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تقدم معنا هذا الحديث النبوي في شرح الأربعين. من حسن إسلام المرء. Celui qui a إسلام قوي. Celui qui est sur le bon chemin. Il s'écartera de ce qui ne le regarde pas. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Ce n'est pas tout ce qui se dit on doit parler. Ba'dannas si polémique, on doit polémiquer ma'ahum. Ba'dannas ils vont dans tel endroit, on doit aller nous kadhalik. Là, fais attention de ne pas suivre. Surtout à notre époque, d'être un suiveur. Tu dois être un suiveur du Coran et de la Sunna. Mais on vit à une époque, on a kathir min al-nas, ils ont délaissé le Coran ou la Sunna. Fais attention, akhi al-karim. C'est pas que un groupe de personnes ils font une chose c'est forcément le haq et anta tu les suis là même si c'est des gens que tu apprécies même si c'est des gens que tu connais daiman tu pèses les choses avec al-kitab et al-sunnah بعض الناس ils perdent leur temps بعض الناس ils rentrent dans des choses qui les regardent pas même si on les connaît même s'ils sont à la khair dans d'autres choses là, dans ce point là fais attention les annas si on juge pas les choses avec هذا الميزان العظيم الكتاب والسنة السنة t'arriveras plus à comprendre certaines choses فلهذا بعض الناس vous avez remarqué quand tu dis à une personne quelconque ne fais pas telle chose بعضهم qu'est-ce qu'ils répondent mais les gens ils font pourquoi لأنه son ميزان sa base c'est devenu les gens enfin il n'arrive plus à comprendre fais pas cette chose mais les gens ils font mais أنت quand tu lui dis fais pas cette chose tu lui as jamais dit que les gens ils faisaient pas non, les gens ils font لكن أنت ne la fais pas La question que tu dois te poser, c'est pourquoi je ne la fais pas. Donc moi, tu lui montres, ça contredit le kitab, ça contredit le sunnah, même si les gens y font. Le haq, c'est le haq. Et le haq, c'est les gens qui doivent suivre le haq, c'est pas le haq qui suit les gens. Ah là, c'est muhim. Et bien sûr, l'amal, il doit être fondé sur l'ikhlas. Ou à متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا on l'a expliqué plusieurs fois قال العلامة الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه الأصل الثالث الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة troisième fondement الدعوة هذا الترتيب الجميل il est fondé sur قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا c'est le premier أصل لأن الإيمان il est fondé sur l'ilm. Tu ne peux pas croire en une chose que tu ignores. Tu dois connaître cette chose et tu y crois. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من عمل. أما connaître des choses et ne pas les appliquer, on a déjà dit c'est une preuve contre celui qui n'applique pas. القرآن حجة لك أو عليك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا بد من العمل. Et vous avez remarqué que العمل dans ce verset il a été qualifié de صالح. C'est pas n'importe quel عمل qui est accepté. Là, c'est l'عمل qui est fondé sur le premier fondement, العلم. العمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هكذا قال عز وجل. C'est ça l'amal الصالح, عمل qui est fondé sur le suivi du prophète et qui est fondé sur l'ikhlas, les deux piliers pour que l'amal soit accepté. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. C'est ça الدعوة, le troisième fondement. لأن celui qui connaît une chose et qui l'applique, il doit faire da'wah, il doit informer les autres. Qala Cheikh Abd al-Salam, idha manna Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-muslim bil 'ilm wal 'amal fa 'alayhi an yubadir ila isal hadha al-khayr lin nas 'an tariq da'watihim wa nushihim wa irshadihim. Et ça c'est min shukrillah subhanahu wa ta'ala. Fa Allah subhanahu wa ta'ala manna 'alayk, an'am 'alayk بهذا الحق بالهدى بالعلم. Tu connais des choses, ولله الحمد, tu appliques. فمن شكر الله عز وجل, et parmi le fait d'être reconnaissant, c'est de montrer aux autres. والله سبحانه وتعالى أمر المسلم بهذا. شيخ عبد السلام il a cité des preuves qu'on va lire ensemble inshallah. قال فإن هذا هو عمل الأنبياء عليهم السلام. يقول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عمل جميع الأنبياء أنهم إذن في الدعوة. قال والله عز وجل رفع منزلة الداعي إليه على غيره فقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا, فالداعي إلى الله إلى منزلة عظيمة عند الله. الله إلى لب سكفون الدعوة, لكن بالشرط كم سيتي dans le premier verset على بصيرة. فالدعوة سيطيب سيمطلوب. Chacun de nous doit faire da'wah, lakin ala basira. On fait da'wah de ce qu'on connaît. Et on doit connaître notre place. Chacun connaît sa manzila. Et on ne doit pas essayer de rentrer des choses qu'on ne maîtrise pas. Min hayth al-da'wah. Qala, amma an thawabihi wa ajrihi fa huwa azimun li'idham amlih. Fa inna da'iyah إلى الله سبحانه وتعالى له مثل أجر من تبعه في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من c'est une erreur, le deuxième c'est من بالكسر. أما هنا on a une فتحة. مثل أجر من تبعه في الخير من غير, enfin le deuxième c'est من et le premier c'est من. الحديث قال أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا سان أجر عظيم. أن celui qui appelle un autre un حق, une adoration, une sunna, celui qui applique cette sunna il a une récompense, et celui qui lui a montré il a la même récompense. فأجر عظيم, on ne va pas se priver de هذا. قال وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم نوع من الإبل النفيسة الغالية. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une catégorie de chameaux. Ils avaient une couleur rouge. هذه الإبل, ces chameaux, ils avaient une très grande valeur. فالنبي صلى الله عليه وسلم, il leur a montré أن celui qui est la cause de la guidée de Wahid, c'est mieux que Humr al-Na'am. Alors que ça a une très grande valeur, indahum. لكن la guidée de واحد être la cause لأن celui qui guide c'est Allah سبحانه وتعالى لكن celui qui est la cause il lui a montré بعلم بحكمة بصيرة et هذا الإنسان il a suivi le حق et la cause c'était un tel فأجره il est عظيم عند الله سبحانه وتعالى قال ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط لمن يكون داعيا إلى الله عز وجل أن يلم بجميع الأحكام الشرعية ولكن الواجب عليه أن يكون عالما بما يدعو إليه أي القضية التي يبلغها إلى الناس يجب عليه أن يكون عالما بها العلم الشرعي ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية هذا الكلام المهم الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه démontre هنا أن c'est pas une condition pour faire da'wah d'être un savant هذا c'est un قول بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية l'essentiel c'est que celui qui fait da'wah et qui appelle à une sunnah à un haqq à une ibadah il doit maîtriser le sujet auquel il appelle et on précise هنا أن فعل الدعوة il y a plusieurs niveaux مثلا دعوة العلماء العامة ils font دعوة ليل نهار ils écrivent des livres ils donnent des دروس ils font دعوة au gouverneur ils font دعوة aux مسلمين ils font دعوة aux كفرة ils répondent aux questions ils mettent en garde contre أهل البدع والضلال tout ça c'est من باب الدعوة et chacun a son niveau فمثلا un débutant fait l'ilm il n'aura pas la même da'wah qu'un savant أبدا لكن est-ce que ça veut dire que le débutant il ne fait pas de da'wah du tout là si مثلا tu as appris أن معنى لا إله إلا الله c'est لا معبود حق إلا الله et tu as appris أن لا إله إلا الله la signification c'est que celui qui mérite d'être adoré c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul donc tu as compris que فعل بعض الناس أنهم يزيغوش pour les tombes أنهم يبون voir des sorciers عيادا بالله tout ça c'est من الشرك tu comprendras que ça annule cette shahada parce que si tu as compris هذا et tu connais واحد qui contredit هذه الشهادة montre-lui est-ce qu'on va attendre on va dire là il parle pas il faut que ça soit un savant là النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية tu lui montres بالتي هي أحسن أن هذا c'est du shirk et tu lui montres معنى لا إله إلا الله et tu appuies avec des أدلة et inshallah tu auras fait da'wah à cette personne si il t'écoute Allah subhanahu wa ta'ala il le guide il délaisse le shirk et il revient au tawhid falhamdulillah c'est un ajr azim si il écoute pas falhamdulillah tu as fait ce que tu devais faire et tu es récompensé kadhalik et cette personne qamat alayha al-hujja si tu lui as bien montré bien sûr c'est ça qu'il faut comprendre on déduit de tout cela anna fi da'wati ila Allah tu as deux extrêmes et un juste milieu tu as un extrême annahum ils font pas de da'wa du tout ils savent certaines choses مثلاً, un de ses proches il fait pas de salat et il sait que c'est une obligation il peut apprendre un dalil très rapidement et il peut conseiller ya fulan tu fais pas de salat et taqillah et il lui montre c'est un extrême ils exagèrent annahum ils font pas de da'wa du tout كأن الدعوة لي réservé à un groupe de personnes et هذا c'est pas صحيح tu as un autre extrême أنهم ils aiment دعوة ils veulent faire دعوة لكن ils rentrent dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas ils n'ont pas assez d'ilm et ils rentrent dans des sujets et ils parlent مناقشة avec أهل البدع avec أهل الضلال avec فلان avec un tel et في الحقيقة ils font plus de mal que de bien ils veulent faire دعوة ils veulent faire du khayr et ils salissent cette دعوة et ils font du char ils ont dépassé les limites. Le juste milieu, c'est que chacun selon ses capacités. Un ami, min al-salafiyin, min ahl al-sunnah. Il ne faut pas croire que ahl al-sunnah, c'est tous de talabat al-ilm. Là, tu as min al-salafiyin, min ahl al-sunnah, c'est des awam. Ou shibh awam, c'est un débutant, lakin il n'a pas encore les capacités de faire da'wa. Et à un niveau, مثلاً, à appeler comme les étudiants ou comme les savants là, il faut qu'il reste à sa place. Lakin, est-ce qu'il va délaisser sa famille, ses proches, ses voisins, alors qu'il sait certaines choses? مثلاً, un de tes proches, il boit de l'alcool. Tu ne vas pas lui faire da'wah. Tu lui fais da'wah. Recherche, si tu ne connais pas les adillah fi kitabillah, les preuves, un verset ou deux, min sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam kadhalik, et tu lui montres. Donc, le mas'ala revient à ma'ada, on ne doit pas dépasser les limites. Et chacun, il doit connaître qadr nafsi. Ça, c'est muhim. On se connaît. Kul wahid, il connaît son nafs. Tu sais ce que tu es capable, tu sais ce que tu as appris, tu sais les efforts que tu as fait, tu sais les choses dans quel domaine tu peux parler. Ça ne dépasse pas les limites. Lakin al-an, on vit à une époque, on a les moyens pour faire da'wah. C'est devenu des moyens très simples. Et pour faire da'wah al-an, c'est très simple. Ce n'est pas comme à l'époque, c'était imma fil masjid, imma khutbat al-jumu'ah, imma dans certaines assises. C'était limité. Maintenant, avec Internet, avec les réseaux sociaux, ça s'est ouvert. Et tu trouves, Wadnas, ils sont rentrés dans ce système et ils n'ont pas les qualités, ils n'ont pas l'ilm nécessaire. Ils veulent le khayr, ils aiment le khayr. Lakin, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas le moyen de faire da'wah et ils rentrent dans des choses. Au début, il cite un dalil, thumma, le dalil il est bil ma'ana, thumma, un tel il m'a dit, thumma, il parle lui-même. Et kathir minhum, ils font l'inverse de ce qu'ils voulaient faire. Et ils voulaient faire du khayr et da'wah, et fil haqqa, ils éloignent les gens. Ah, là, c'est pas min al-hikma. Pourquoi? Léana l'insan, il doit connaître qadr nafsi. Kadhalik, fais attention, et c'est un point important, huna, ne pas croire que tu es responsable de tout le monde. Ils aiment le khayr et ils veulent le khayr et ils pensent qu'il est responsable. Un tel il fait telle chose. Et khasatan avec Internet l'an. Internet l'an, il y a jami' al-shurur, ilhad, bid'a, fisq, iyadan billah. Tout le mal il est dans ce Internet. Quand il voit tout ça, il se sent qu'un où il est responsable, il doit parler. Mais si je me tais, ba'dhum tu les entends, mais si je me tais, si tu te tais, si tu sais pas tais-toi, ahsan lak, t'es pas responsable. Lakin ba'd an-nas ka'annahum yassumun une responsabilité que personne leur a donné et il veut parler et fil haqiqa il se fait du mal. Amma t'as pas les capacités, tu parles pas. Si un tel il fait telle chose dans telle ville, dans tel pays, est-ce que t'es responsable? La, Allah subhanahu wa ta'ala karimun hakimun, il te jugera sur le dhamb d'un autre alors que tu n'as rien à voir là. Tu es responsable de ta famille, tu es responsable de tes proches, tu es responsable de toi-même. C'est pour ça que ad-da'wa elle commence par al-aqarib. Non, on est responsable. Amma wahid ba'dhum mathalan yajadil yanaqish avec des juhal, avec des mubtadi'a dans internet alors que il le connaît pas. T'es pas responsable de lui. T'as pas le niveau pour lui parler. Tu veux son bien. Si c'est un musulman, fais-lui dua. T'as même pas besoin de le connaître. Il a même pas besoin d'entendre. Fais-lui dua. Fais soujoudik. Fais dua qu'Allah il le guide. C'est un fait. Amma rentrer, penser que t'es responsable. Robama, tu t'égares. Pourquoi, Léana, tu as pas les outils, tu as pas les moyens pour faire cette da'wah. On fait attention à deux choses. Ne pas rester à sa place. Et kadhalik, croire qu'on est responsable des autres. On n'est pas responsable, tu es responsable de toi-même. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et bien sûr, les responsabilités que Allah subhanahu wa ta'ala t'a données. Si tu as des enfants, si tu es marié, si tu as des petits frères, si tu as tes proches, ils t'écoutent. Alhamdulillah, tu as une part de responsabilité. Montre-leur billati hiya ahsan. Amma vouloir guider tout le monde et se sentir responsable, ça, ba'dannas, ils n'arrivent pas à se maîtriser. Et les sentiments, ils rentrent avec l'ignorance et ils dépassent les limites. قال الشيخ عبد السلام إذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين أو عرف حديثا كذلك من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أو علم حكما من الأحكام الشرعية كذلك عن طريق العلماء. Vous avez remarqué que الشيخ عبد السلام à chaque fois il cite عن طريق العلماء. Pourquoi? عند من? Pourquoi il précise عن طريق العلماء? لماذا قيد كلامه بطريق العلماء? تفضل. نعم. On répète, فإذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء. Pourquoi il a précisé عن طريق العلماء? لأن بعض الناس يلز القرآن أو يلي un hadith, il le comprend à sa manière, il veut faire الدعوة. Alors que c'est pas comme ça. La plupart des musulmans, alhamdulillah, ils lisent le Coran, ils lisent des hadiths. Mais comment comment comprendre ce hadith? Cheikh Abd Salam Al-An, il te cite un tariq al-ulama. Et ne pas comprendre, je vais faire da'wa, maintenant, wahad, il est le Coran, il a compris le verset à sa manière et il veut faire da'wa. Hada, ça va être Bab al-Inhiraf. Et toutes les firaq, comme on a déjà vu dans notre dars sur le firaq, ils se sont égarés, min hada al-Bab. Non, ils ont compris le Coran et la sunna à leur manière et ils se sont égarés. Bid'at al-Khawarij, bid'at al-Qadariya, bid'at al-Murji'a. Obligé de revenir tariq ahl al-ilm. Anta, si tu as lu un verset et tu l'as compris à la fahm al-ulama, maintenant notre tafsir de surat al-Fatiha qu'on lit de Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, tu as compris le basmala, tu as compris iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, annahu labud min at-tawhid, et tu as compris walillahi alhamd, tu fais da'wa par rapport à cette compréhension. Amma, si on ouvre le bab, maintenant jama'at al-tablir al-dullal al-juhal, ici daiman قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الحديث il est صحيح كما ترى. Et ce hadith il montre بلغوا. Le mot تبلغ, ça vient de ce mot. بلغ التبلغ, à y propager, transmettre. Ils ont compris هذا بلغوا عني ولو آية. Ils lisent le Coran. Ou ils ont certains hadiths, كثير منها c'est hadith ضعيف, ou des qasas, des khurafat, ils propagent. Dès que tu leur dis, lakin, ya jama'a, il faut du ilm, et taqullah, ils te citent, balliru anni wa lou aya. Ils seraient revenus à ahl al-ilm, ils auraient compris, annahum c'est des juhal, et ils doivent apprendre. Kadhalik qal, ou alima hukman min al-ahkam shar'iyya, kadhalik an tariq al-ulama. C'est important, hada. Amma wahid, il peut très bien déduire, anna cette chose, elle est haram. Et il fait da'wa. Comment on recherche, on se rend compte que ce n'est pas haram. C'est lui qui a compris hada. Pourquoi les annahu, il n'est pas revenu à ahl al-ilm. Ça nous montre que celui qui veut faire da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être en liaison avec ahl al-ilm. Wa illa sayatakhabbat. Il va citer des choses qui khalif hada al-manhaj auquel il veut appeler. Et Cheikh Abd Salam, rahmatullah alayhi, il a cité un asl qu'on lira ensemble, inshallah, dans cette risale, sur l'importance de revenir à Ahl al-Ilm. قال, أو عن طريق مؤلفات أهل العلم بلغه لغيره من الناس ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية. Donc, ce n'est pas une condition, أن celui qui fait da'wa dans un point, dans une mas'ala, أنه il doit tout connaître. Il doit connaître le Coran par cœur, il doit connaître des hadiths par cœur. Il doit avoir étudié telle chose. Là, c'est pas wajib, hada. C'est pas une condition. Abadan. La condition, c'est que si tu appelles une chose, t'es à la ilm. À la basira, comme on a lu dans le verset. Yaqul al-Sheikh al-Allama Abdurrahman ibn Qasim, rahimahullah, fi hashiyatihi li kitab al-tawhid. Fi hashiyatihi li kitab al-tawhid. Na'am, il y a une hashiya kadalik ala al-usul al-thalatha. Al-Sheikh Abdurrahman ibn Qasim. رحمة الله عليه ولا بد للدعوة إلى الله من شرطين أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه. Donc deux conditions, celui qui veut faire الدعوة, الإخلاص. كذلك fais attention, أخي الكريم, de ne pas vouloir appeler à toi ou à ce que tu penses ou à ton avis. الدعوة c'est إلى الله عز وجل. Ça montre, si tu fais da'wa et un autre, il te montre que tu t'es trompé et délil, c'est kada, on revient à son qawl. On le connaît, on ne le connaît pas. Hada, c'est ça. C'est, chacun doit suivre le haq. Avoir des nas, ils font da'wa, lakin il a nafsi. Ou il a sheikhi. Ou il a madrasate. Ou il a fikri. Il ne fait pas da'wa ilallah. La preuve, c'est que si tu lui cites un délil, il ne le suit pas. Il veut que tu le suis. On fait attention à hada. Da'wa ilallah. Celui qui se trompe est le hujja, l'éclair, il revient à le hujja, ou yastarih, ou yurih, ghayra. Qala wa an yakun adda'i arifan bima yad'u ilayh. Il doit connaître la chose à laquelle il appelle. Allez, hada nansaha al-ikhwan, ne vous précipitez pas fi da'wa. Ne croyez pas que tout est simple. Ad-din il est simple, il est yusr. Lakin, il y a des masa'il. Fait le haqiqa, on pense que c'est évident et tu te précipites et fait le haqiqa, tu ne maîtrises pas le sujet. Fait le haqiqa, il y a un autre qawl et le qawl que tu as cité, il est marjouh, il n'est pas sawab, un autre qawl, il est arjah et hakada. Donc celui qui veut faire da'wah dans un sujet, étudie le sujet, demande, ne te précipite pas. L'autre, il va te contredire avec des adillah et tu ne pourras pas répondre. Une mas'ala, donne-lui son haq. Une mas'ala toute simple. Tu veux appeler un de tes proches à telle chose, étudie la mas'ala. Ça t'estafide ilman. Tu vas profiter. Wa ajr. Le temps que tu passes, c'est des récompenses. Kadhalik ta hujja va être qawiyya. Dès que tu vas parler avec hada shakhs, il va savoir que tu parles bi'ilm et que tu as préparé le sujet. Et inshallah, ça va être plus simple pour lui d'accepter. Amma wa'adoum, ils font da'wa et ils salissent cette da'wa. Hatta quand tu parles à la personne à laquelle ils ont fait da'wa, il t'a dit, mais il ne m'a pas cité de preuve. Oh, il m'a dit telle chose, il s'est contredit. Et... tu comprends pourquoi il n'accepte pas. Pour qu'il accepte, il faut lui montrer avec un bon comportement, avec ilm, wa hakada. قال فإن فإن أخلى بالأول كان مشركا وإن أخلى بالثاني كان مبتدعا انتهى كلامه رحمه الله. نعم. أي سي لا بلا الله إلى با مخلص عيادا بالله سي لو الشرك لأن الدعوة سي une عبادة. Et si il appelle Allah subhanahu wa ta'ala lakin avec une méthodologie d'une façon qui est pas fondée sur sunna, il fait des bid'ah, فعيادا بالله سي c'est là chaque année, هذا الشيء c'est une bid'a. قال وانطلاقا من الشرط الثاني الذي ذكره رحمه الله قلنا ان وسائل الدعوه الى الله توقيفيه. هذه c'est une mas'ala importante et il va conclure هذا الشرط بهذه المساله. الشيخ عبد السلام رحمه الله عليه il a une risala où il approfondit ce point, une risala qu'il a écrite d'une quarantaine, 50 pages. Et il l'a appelé Al-Hujjaj Al-Qawiyya Anna Wasail Al-Da'wa Tawqifiyya. Hada awwalan. Vous devez savoir que Cheikh Abd Salam, cette risala qu'il a écrite sur ce sujet qu'on va expliquer l'an, Inch'Allah, il l'a lakhas huna. Il l'a résumé huna en une page et demie, qu'on va lire ensemble, Inch'Allah. Cette mas'ala, c'est est-ce que Wasail Al-Da'wa c'est Tawqifi Amla? وسائل الدعوة c'est les moyens pour faire da'wa. Est-ce que les moyens pour faire da'wa c'est tawqifi? Vous vous rappelez, on a vu ce mot في الإخوان qui étaient معنا في شرح اللمعة أن أسماء الله توقيفية. التوقيف c'est ça s'arrête au dalil. Enfin, pour faire da'wa, les moyens que tu vas utiliser, est-ce que c'est tawqifi أم لا? Et est-ce que tu dois te restreindre au dalil ou tu peux utiliser un moyen, même s'il contredit al-dalil. C'est ça le mas'ala. Cheikh Abd Salam, il a écrit une risala al-hujjaj al-qawiyya fi hada. Et c'est une risala tayyiba. Qala, inna wasa'il al-da'wa ila Allah tawqifiyya la yustahdath fiha shay lam yakun alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lidhalik ishtadda nakir al-salaf ala ahli al-sama' alladhi kana yaf'aluhu al-sufiyya wa law kana hada al-sama' mujarradan anil alat al muharrama. Il cite un exemple. As-salaf wa radiyallahu ta'ala anhum ankaru bi shidda ala as-sufiyya cette méthode as-sama'. Amma as-sama' qui est avec de la musique, avec des instruments, ça c'est haram, il n'y a aucun doute. Lakin ha'ula ad-dullal, ils ont utilisé un moyen pour faire da'wa qu'ils ont appelé as-sama'. As-sama' ça vient de l'écoute. Cheikh Abd Salam, dans Al-Hujjaj Al-Qawiyya, la risala qu'il a écrit, il a expliqué, قال والسمع المجرد هو التلحين بعض القصائد والترنم بها بقصد إصلاح القلوب وهداية الضال وجذب المعرض عن الذكر للخير والصلاح. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour attirer les gens? Ils récitaient des poésies, قصائد, et le but, c'était d'attirer les gens vers al-khayr, vers al-salah. Et avec des méthodes, avec des bid'a. C'est comme des chants. Ce qu'on appelle aujourd'hui, kathiran, al-anashid. Al-anashid al-islamiyya. Tout ça, ça ne fait pas partie de da'wat al-salaf. Abadan. Salaf, ils n'utilisaient pas ces moyens. Bel, ces moyens, ça a ouvert un bab khatir diddan. Fas-sunni, celui qui veut suivre hadha al-manhaj, même sa façon de faire da'wat, il doit se baser sur le kitab et le sunnah et il fait attention aux muhdathat, aux choses nouvelles. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré anna kulla bid'atin dhalala. Qala ولو كان هذا السمع مجردا عن الآلات المحرمة كآلات اللهو ونحوها ولو كان هذا السمع نافعا لتليين القلوب لأنه لم يأتي له شاهد في الكتاب ولا في السنة. Même s'il n'y a pas d'instrument de musique, même si بعض الناس ils en profitent, ça les a fait venir à la mosquée, هذا on s'écarte. C'est un bab khatir. Et tu le vois aujourd'hui. Il va citer d'autres exemples. التمثيل et بعضهم مثلا يفون دعوة باختلاط. C'est mixte dans des salles إلى آخره. Mais là, quand tu lui dis c'est haram, il te dit mais c'est من الوسائل. C'est من الوسائل الدعوة. Hey, c'est un moyen فقط. Alors nous les appelle et quand ils, alhamdoulilah, ils connaîtront le haq, ils s'écarteront. Là, il y t'as pas le droit d'appeler les gens au haq avec du batil. Qui c'est qui t'a imposé? Qui c'est qui t'a autorisé? Là, il y a tout ça c'est haram. Limada, il faut bien maîtriser ce sujet. Anna al-wasa'il tawqifiyya. Ce que le prophète sallam il a pas fait, ça la faisant pas fait, on s'écarte. Ta'lamun anna ba'd an-nas la'an pour les enfants مثلا et pour eux c'est da'wa, ils les rassemblent le week-end مثلا et ils leur expliquent sirat al-anbiya ou sirat as-sahaba avec tamthiliyat. C'est comme des scènes de théâtre et ils représentent un nabi ou un sahabi, et ils expliquent l'histoire. Tout le ils te disent, il n'y a pas de mal. C'est un moyen, l'essentiel, c'est de lui expliquer sirat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est haram. Ce n'est pas une méthode. Le tamthil, déjà, c'est haram. C'est du mensonge. Et habituer les enfants à hada, c'est pas tayyib, c'est de la comédie. Et tout ça, fait dinillah, c'est haram. Comment ils ont fait salaf depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'époque de sahaba, l'époque de al-a'imma, al-kibar, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Soufiane al-Thawri, il a akhri ha'oula, somme à l'époque de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, l'imam ibn al-Qayyim, l'imam ibn al-Kathir, l'imam ibn al-Rajab, l'imam al-Zahabi, tout cela jusqu'à l'époque de Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab, il a akhri, leurs enfants, ils n'ont pas appris al-Sira, leurs enfants, ils n'ont pas appris à aimer sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ne les ont pas rassemblés et ils ont fait toutes ces bid'a et ces khurafat. On n'a pas besoin de hada. Tout ça, c'est venu l'âme. C'est venu l'anahum pour faire le da'wa, ils inventent des choses ou des sorties. Des sorties et il y a des choses, c'est tariqat al-ikhwan. Ne pas mélanger les choses de dunya et les choses de din. Tu as le droit de faire des choses halal tant que ce n'est pas haram, mais mélanger avec la da'wa. Thumma ba'dhum 'iyadan billah, c'est mixte. Thumma il y a du haram, des souars. Thumma ba'dhum ils font des mises en scène. Et tout ça, c'est tariqat al-ikhwan, al-mujrimin. أما السلف أنكروا هذا على الصوفية au départ avec leur poésie إلى يومنا هذا. قال رحمة الله عليه ولو كان هذا السمع نافعا لتليين القلوب لأنه لم يأتي له شاهد في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل السلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء الحادي عشر فأما سمع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك أي الذين يجتمعون على السمع قاصدين بهذا الاجتماع إصلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم إما نشيد مجرد يعني ليس معه آلات له نظير الغبار وإما بالتصفيق ونحو ذلك فهو السمع المحدث في الإسلام. شيخ الإسلام il a expliqué même s'il n'y a pas de haram directement, il n'y a pas d'instrument de musique, il a akhiri, c'est muhdath. Rassembler les gens et vouloir faire da'wa par cette méthode, c'est haram. C'est pour ça que ulama al-sunna à notre époque ils mettent en garde contre ce qu'ils appellent l'anachid al-islamiyya. C'était pas connu à l'époque des salaf. Et ta'ammal, au départ il n'y avait pas d'instrument et ils appelaient ça anachid ila akhiri. Écoute l'anachid d'aujourd'hui, il n'y a aucune différence avec de la musique. Bel, c'est de la musique. Il y a des voix de femmes, il y a des instruments, il n'y a aucune différence. Thumma, quand tu le conseilles, il te dit c'est des anachid islamiyya. Là, le nom il ne change rien. Haqiqatu shay, c'est de la musique. هكذا البدعة. C'est pour ça que السلف ferme les portes. قال فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أتنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون القرن الذي بعث فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم الحديث قال في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Ça c'est fil hashia. وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ. C'est هؤلاء inshallah nos modèles بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم qu'ils ont compris le sunnah, qu'ils ont compris le Coran. أكابر العلماء. Ils n'ont pas assisté à هذا, يقول شيخ الإسلام. أما si tout le monde assistait, les ulama, ils assistent pas, ils mettent en garde, écarte-toi, أخي الكريم. قال إلى أن يقول الشيخ رحمه الله في ضمن الكلام على السمع هذا وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به. لا يعلم هذا. Ça c'est important. Le Nabi صلى الله عليه وسلم, tout ce qu'on a besoin, et pour nous rapprocher de la Jannah, qu'on a besoin dans notre din, il nous l'a montré, عليه الصلاة والسلام. On n'a pas besoin de ces nouvelles choses. طريقة الإخوان, طريقة Al-Khawarij, leurs choses, toutes ces mises en scène, l'anachi, tout ça c'est min al-bida'. Et quelle da'wah ils ont fait? Prends l'exemple de l'Ikhwan. Ikhwan al-Muslimoun, ça fait des années, ça fait nisf qarn, la moitié d'un siècle, ils sont hawla hada. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Illa al-fitan wa shar. Pourquoi? Les gens, khasatan al-shabab, il faut les éduquer, labud min tarbiya ala ilm, ala sunna, ala tawhid, ala al-aqida. Toutes ces choses, c'est quoi leur but? C'est vu que c'est difficile pour ces jeunes d'aller au masjid, tu lui dis cette chose c'est interdit, cette chose c'est interdit, ils essaient de leur emmener des choses qu'ils ont l'habitude. Vu qu'il a eu l'habitude de la musique, ils lui emmènent l'anachide. Vu qu'il a eu l'habitude de regarder des films, ils emmènent هذه التمثيليات. C'est pas ça une da'wah. Tu fais da'wah billati yahsan et tu simplifies, lakin pas de concession dans notre dîn et faire du haram. La mixité c'est haram, c'est haram, on lui montre. S'il ne veut pas faire, c'est lui le responsable. Amma ha'oula al-dullal al-juhal min al-ikhwan ou min ghayrihim, ils veulent tellement faciliter qu'ils ont ouvert les babs de shar à la umma. Qala wala shay an yub'idu an an-nar illa wa qad haddatha bih wa an hadha as-sama' law kana maslahatan la shara'ahu Allah wa rasuluhu صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وإذا وجد فيه منفعة نعم قال وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفت إليه. Même si tu sens que ton cœur y profite et ça te fait du bien, لكن il n'y a pas de preuve من الكتاب ومن السنة, écarte-toi, c'est une fitna. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Mukhalafat hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam c'est une fitna. As-salaf ankaru kadhalik bishidda ala al-qussas. Tu le trouves dans les du'at al-ikhwan al-muflisin al-harakiyin ad-dullal, annahum leur da'wa est basée sur al-qasas, des histoires. Des histoires, et c'est pas fondé sur le kitab ou le sunnah. Et kathirun minan nas, ils aiment hada. T'écoutes cette cassette, pour ba'd al-nas, c'est comme, c'est pas comme ashritat al-ulama fiha ahkam, des rudoud, des masail ilmiya. Pour ba'd al-nas, c'est un peu thaqil alayhim hada, fait préfère al-qasas. Al-salaf ankaru. Le din, il est fondé sur le kitab ou le sunnah, il est pas fondé sur des histoires. Les histoires qui sont citées fait le Coran et fait le sunnah, na'am. أما des خرافات et des choses où il n'y a aucun fondement, فلا يجوز. هذا كذلك. Ils ont وسائل الدعوة, ils ont dit c'est pas توقيفي, أي يجوز. قال رحمه الله قال السهل ابن عبد الله التستري كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. هكذا ils étaient السلف. Tout ce qui contredit le kitab et le sunna dans ce din, que ce soit pour دعوة ou autre, c'est باطل. قال وقال الداراني قال إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بالشاهدين عدلين الكتاب والسنة. هذا كلامه رحمه الله, أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Il accepte pas هذا الإمام الداراني, même s'il entendait quelque chose qui lui plaisait, نكتة. Ça peut être comme une faïda, ça peut être une leçon, ça peut être une histoire. Tu l'as entendu et tu penses qu'elle est bien, fais attention de ne pas l'accepter, sauf comme قال فلا أقبلها إلا بشهيدين. Tu l'acceptes pas qu'avec deux témoins, comme si deux témoins te la rapportent. الكتاب والسنة. هكذا يزن بخزغبي له الدين. قال وفي قوله وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة أبلغ رد على من جوز التمثيل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأن فيه منفعة ولأن القلوب تلين إذا استمعت إليه وشاهدت مناظره فعلى ذلك نقول يجب أن تكون وسائل الدعوة توقيفية. التمثيل العلامة الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه إلى يكخين رسالة في هذا في الرد على سكيز طغيز التمثيل que ce soit les mises en scène, que ce soit le théâtre, que ce soit tout ça pour faire ad-da'wa, tout ça c'est haram dans notre dîn. قال فعلى ذلك نقول يجب أن تكون وسائل الدعوة توقيفية لا يشرع فيها إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. Donc la façon de faire ad-da'wa, ça doit être comme ils ont fait as-salaf, رضي الله عنه. On fait attention au taswir al-muharram. C'est haram. On fait attention à l'ikhtilat, la mixité. On fait attention à tasawwul, demander de l'argent au nom de la da'wa. Tout ça, c'est du shirr et c'est des fitan. A'immatul asr, que ce soit Cheikh Al-Albani, que ce soit Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhim, que ce soit Cheikh Ibn Baz, que ce soit Cheikh Ibn Uthaymin, ou autre, leur da'wa, walillahi alhamd, elle s'est propagée partout, bi'idnillahi azza wa jal. Et ils appelaient à هذه السنة comme il a appelé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et regarde le khayr qu'il y a. Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, il était dans un village, comme tu le sais, dans le Yémen. Un village que personne ne connaissait, illa ceux qui habitaient dans ce village ou autour. Et alhamdulillah, cette da'wa s'est propagée partout. Ni photo, ni ikhtilat, ni tasawul, ni tamthiliyat, ni tous ces khurafat hadi, wallahi alhamd, sa da'wa a fait beaucoup de bien. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, muhaddith al-asr. Kathir min durusihi, c'était dans un garage chez lui, ila akhire. Sa da'wa, wallahi alhamd, elle a touché beaucoup de monde. Limada? Li'anna al-ikhlas. Wa nahsibuhum, la nuzakkihim, wa hisabuhum ala Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas. Et kathalik al-ilm. Kathalik les efforts. Kathalik al-sabr. Et pas de concession fi d-din. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui. Ils font des concessions. Et ils font du haram. Pour qu'un tel il accepte le haq, à la fin, Fulan il n'accepte pas. Ben, le Rabbama il est critique. Ils ont fait du haram pour soi-disant que Fulan il soit guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a arad. Et ils se sont fait que du mal. Mais celui qui appelle bi haq, si un tel il est guidé, s'il n'écoute pas, il se fait du mal qu'à lui. Et un tel ne fait pas de concessions sur ton deal. Il y a une différence entre le bon comportement, entre rifq, la douceur, ça c'est matloub, montrer tout doucement, et faire du haram. L'alcool c'est haram, c'est haram. L'ikhtilat c'est haram, c'est haram. Hada, ne pas faire salat, c'est haram, c'est haram. Et il faut le montrer, lakin billati hiya ahsan, ad-da'wa commence par l'essentiel. Ça c'est muhim. Commence par l'essentiel. Ad-da'wa ila tawhid. كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. La première chose à laquelle tu les appelles, لا إله إلا الله. فتا الدعوة doit être fondée sur ça. الدعوة إلى التوحيد. Fais attention à الدنيا في الدعوة. Les gens ils détestent que tu touches à leur poche, à leur argent. معروف. Enfin, ne mélange pas الدعوة et الدنيا. Ça fera du mal à الدعوة. Chaque chose à sa place. كذلك الصبر. الدعوة a besoin de patience. Ne crois pas que tout le monde va t'écouter du premier jour. La da'wa, ça demande du temps. وتأمل قصة نوح عليه السلام. سنين il patiente avec son قوم, il les a appelés au tawhid. تأمل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة كذلك elle a besoin de hikma. C'est pas tout qui se dit à tout le monde. بعض الناس مثلا tu vas l'appeler à cette chose, un autre tu vas pas l'appeler à cette chose. Il y a une chose plus importante. Ou cette chose, elle peut lui faire du mal. Fi hada al-hin. Ah, kada. La da'wa, elle est fondée sur l'ilm, elle est fondée sur l'hikma, elle est fondée sur sabr. Le bon comportement, al-tawfiq, c'est biyadillahi azza wa jal. Hada al-asl, il est muhim. Fi al-haqiqa, ce sujet, la da'wa, comment faire da'wa ila akhirih, il demande d'être traité akthar. Fa nassallah subhanahu wa ta'ala, l'i'ana. Naktafi bi hada al-qadr. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حياكم الله.